Voilà, on va danser, c'est parti. Allez, venez, c'est les derniers. Venez. On danse ensemble. Et oui, je rêvais d'un autre monde. C'est pour ça que j'écris. Et du coup, cette chanson correspond bien. Allez, fais péter le son. Allez, hey. Super. Merci. Et on continue juste avec une petite dernière. On y va, c'est parti. Et ça clôture le bal. Pour ma constellation, justement, Orion, je lui ai écrit une chanson. C'est cette chanson. C'est cette chanson. Orion Lion, in English, please. Ça a été demandé par la Ya Family, donc que vous voyez ici présent. Sky. meilleur. Oui, je suis en feu, comme prisonnier de ton jeu. Même en désaccord, mon corps crie encore. Mon corps crie encore. Mon corps crie encore. J'en ai pas assez. Can you kill my pain? Kill my pain. Can you kill my pain again? Kill my pain. Can you kill my pain? Kill my pain again, again, again, again, again. Whoa. Voilà pour le titre Orion Lion. Merci à vous, merci à Radio Arc-en-Ciel. Super soirée encore. Voilà, merci beaucoup. C'était un titre composé par Ni Video Studio. Un super titre, voilà, dans l'album Retour à l'essentiel. Merci Yavanna. Merci. Super.